Merci, votre plus récente information de sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. Ben, on suit évidemment les Huskies de Rouyn-Noranda, hein, les Huskies qui sont à la Coupe Memorial, qui sont dirigés par Gilles Bouchard, un entraîneur natif de Saint-Félicien. Ben, rappelons que les Huskies ont perdu un match dimanche soir contre la formation de Red Deer par le pointage de 5-2. Évidemment, la troupe de Gilles Bouchard a été indisciplinée durant cette rencontre, ce qui a fait en sorte qu'ils ont perdu. Ce soir, les hommes de Gilles Bouchard vont affronter les Knights de London, les Knights qui, hier, ont pulvérisé la formation de Brandon par la marque de 9-1. Le match sera d'ailleurs présenté à 22h sur les ondes de TVA Sports. On va parler maintenant du côté de baseball. Les Voyageurs de Jonquière ont perdu deux fois, ils ont gagné une fois en fin de semaine. Les Voyageurs qui ont perdu à Montréal au stade Gary Carter par la marque de 14-4 et 15-1 contre la formation de Montréal. Et ils ont perdu au stade Richard-Desmolles 9-1 contre Granby. Par contre, les hommes de Martin Pouliot ont reçu une bonne nouvelle, c'est que le joueur Yann Tremblay ainsi que Simon Auger, qui évolue avec des équipes des collèges américains, seront de retour avec la formation. Maintenant, la saison de soccer est débutée dans la région. Il y a des matchs qui nous intéressaient au niveau senior féminin. Le Mistral senior a gagné 7-0 sur Saint-Prime. Et Marie-Alexandre Leduc a subi une blessure à la cheville qui a fait en sorte qu'elle ne pourra poursuivre son tournoi en Turquie. Au moment où elle a été blessée, la joueuse de tennis avait gagné le deuxième set 6-4 et elle avait perdu 6-3 contre Mariana Gonzalez. Le sport local et régional, adanradiosport.com. On s'en occupe.